Ce ne sont pas de couronne qui tu es mon sauveur. Il est mort. Du ciel nu, le cieux aussi ont refusé. Même le soleil s'est dit, mais je peux pas donner ma lumière pour qu'on voie le roi du ciel, les étoiles. Notre Dieu, à l'âge des 33 ans, nu, suspendu entre cieux et la terre. Le sang et l'eau se partagèrent. Il est mort de l'agonie, de la souffrance. Alors mon frère, ne continue pas à crucifier le Fils de Dieu. Par ta vie, par ta manière d'être. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort de chagrin. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort de chagrin.